Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 1, qui va être consacré à l'Insta 360 One X. Petite musique d'intro que j'ai trouvée aussi. On va écouter un petit peu, ça va nous mettre un peu dans l'ambiance, ça va nous donner un peu la pêche. J'espère que vous allez bien, vous avez certainement écouté l'épisode 0 pour planter un peu le décor, qu'est-ce que j'allais faire dans ces audios. L'épisode 1, je le consacre à une caméra vidéo qui fait aussi des photos, qui s'appelle l'Insta 360 One X, que j'ai acquéri il n'y a pas si longtemps que ça, et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un appareil qui fait des photos et des vidéos à 360 degrés. Et alors c'est pas nouveau, hein, ça fait alors pour le grand public on va dire 4-5 ans peut-être à peu près, mais là en fait ça évolue. Et puis ça fait des trucs de ouf. Alors moi j'aime bien la photo et la vidéo. J'aime bien faire des photos, j'aime bien faire des vidéos. Alors la seule chose c'est que comment trouver d'autres idées avec la photo, la vidéo, sachant que maintenant tout le monde peut faire de la vidéo, maintenant qu'il y a des outils qui permettent de faire vraiment des belles choses. Donc il faut aussi essayer de se démarquer un peu et trouver un peu autre chose. Et donc c'est là qu'intervient cette petite caméra 360 qui fait des photos et des vidéos. Et je trouvais que ça changeait le monde de la photo et de la vidéo. Tout simplement parce que quand vous faites des photos classiques, donc vous avez une photo classique, c'est un angle bien précis et c'est tout. En photo 360, déjà vous n'êtes pas obligé de positionner votre appareil photo vers l'objectif sur lequel vous voulez faire votre photo, mais uniquement vous prenez la photo et c'est ensuite que vous pouvez recadrer, créer des superbes effets. Mais là en audio on va pas pouvoir les voir, mais en tout cas je vous invite à regarder des vidéos et des photos sur peut-être YouTube aussi, sur Google Photos, etc. Donc on va pouvoir ensuite recadrer cette photo si finalement le cadre était mieux plus vers la gauche ou plus vers la droite. Et du coup je vais pouvoir vraiment m'amuser à recadrer cette photo et puis en faire un peu ce que je veux. Pareil pour les vidéos. On prend l'objet qu'on a envie de prendre. Les alentours sont pas pris en compte. Par contre, s'il se passe quelque chose derrière ou que l'angle était mauvais, grâce aux vidéos 360, on peut recadrer en post-production. C'est-à-dire que finalement, c'était plus intéressant ce qui se passait à gauche ou il se passait quelque chose à droite. Et en fait, je viens de m'apercevoir qu'en fait, c'était beaucoup plus judicieux de capturer ce moment-là plutôt que ma première idée qui était de cadrer devant. Donc ça, je trouve ça assez génial. Et c'est ça qui, pour moi, révolutionne une partie de la photo et de la vidéo. C'est qu'on peut vraiment, en post-production, choisir ce qu'on a envie de garder. Alors, à quoi ressemble cette petite caméra Insta 360 One X ? C'est une petite caméra qui fait la taille qui est plus petite qu'un téléphone de 5,8 pouces, par exemple, qui tient dans la main hyper facilement, qui est super léger et qu'on peut mettre dans une poche. C'est vraiment facile, on peut la sortir quand on veut, on l'allume et on shoot, comme on dit, et ça nous fait des photos. Alors, j'ai eu un pack, donc dans ce pack-là, il y avait une espèce de perche à selfie pour visser la caméra dessus. Le plus pratique, c'est vraiment cette perche à selfie. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez la vidéo après enregistrement, cette perche à selfie est invisible à la vidéo ou à la photo. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est peut-être même un drone qui vous filme ou un drone qui vous fait une photo. Et là, c'est hyper impressionnant. Il y a des tas d'effets qu'on peut faire avec ça, mais on ne va pas rentrer trop non plus dans le détail. Alors, il y a cette perche à selfie. C'est dur à dire, cette perche à selfie. Il y a cette perche à selfie qui permet de faire des vidéos et des photos. Elle est invisible. On a dans ce pack-là Le petit tour de cou pour avec la pochette qui permet de la glisser dedans. Donc vous avez votre petite caméra autour du cou. Vous l'avez toujours sur vous, vous pouvez la sortir et protéger. Alors protéger, il faut savoir que sur cette caméra Insta 360 One X, vous avez la lentille en fait. La lentille qui ressort de chaque côté. Donc ça, si vous le posez sur une table, vous le frottez sur une table, c'est sûr que ça va être rayé. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis une petite pochette de protection. Vous pouvez l'attacher autour du cou, mais vous n'êtes pas forcément obligé de l'attacher autour du cou. Mais au moins, il faut vraiment la protéger. Donc il y a ça dans le pack. Il y a dans le pack que j'ai eu, alors c'est un pack qui se trouve sur Apple Store. Qui permet, alors parce que oui, pour revenir un peu en arrière, vous pouvez acheter la caméra seule ou alors bah, il existe aussi des packs. Et moi j'ai préféré prendre le pack parce que vous avez la perche à selfie, vous avez une batterie supplémentaire et vous avez ce qui s'appelle le bullet time qui permet de faire des effets. Donc on a tous ces petits accessoires, donc on a la pochette, la perche à selfie, la batterie supplémentaire. Je l'ai testé, alors on a la batterie qui tient une heure. Si vous l'utilisez une heure, ça tiendra une heure. C'est pour ça que la deuxième batterie est vachement importante parce que ça vous permet en fait de la changer et puis de continuer à faire votre journée, sortie, etc. Ça vous permet de faire une deuxième heure de plus. Et j'ai fait des clichés, photos, vidéos. C'est juste incroyable parce qu'on peut vraiment se balader dans la photo, se balader dans la vidéo. C'est vraiment cool. Franchement, post-production, ça permet vraiment de changer l'idée principale qu'on avait et de refaire un peu ce fichier vidéo et de l'assembler vraiment en post-production comme on le sent à l'image. Parce que quand on filme en direct, quand on revoit les images, on n'a pas forcément les mêmes, le même ressenti que quand on a fait la photo ou la vidéo. Et là, ça vous permet vraiment de refaire la vidéo, de changer d'angle. Donc là, c'est vraiment génial. Alors, j'ai testé aussi sur mon smartphone. J'ai installé l'application. Il faut savoir que les vidéos, on peut les transférer de la caméra vers le téléphone en Wi-Fi. Mais aussi, on peut le faire en câble. Donc, ouais, je le fais en Wi-Fi. L'application est super bien faite. On peut voir toutes ces photos, toutes ces vidéos 360 dans l'application. On peut les importer dans le téléphone. Et toujours dans l'application, on peut les travailler, on peut couper, on peut mettre des filtres, on peut faire du suivi d'objets dans la vidéo par exemple. C'est vachement pratique quand vous voulez tourner l'angle de la caméra pour suivre un objet ou pour suivre un visage aussi, il le fait, pour pas qu'il perde le visage. Donc la caméra va suivre vraiment, enfin, l'application va suivre le visage directement. Sur tout le long de la vidéo, si on le souhaite, bien sûr. Mais il y a des tas de choses à faire. Alors, pour le coup, mon téléphone, c'est pas un foudre de guerre. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un téléphone qui tient la route. Hein. Il prend en charge l'application, mais par contre, l'export, c'est vachement long. Dès qu'on modifie quelque chose dans la vidéo, vraiment avec des suivis d'objets, etc., ou des ralentis ou des choses comme ça, à la fin on dirait qu'il va mettre 4 heures, donc j'abandonne le processus. Donc il faut quand même avoir un téléphone qui tienne la route. Il faut être au-dessus. Alors il y a les spécifications hein, qui permettent de se dire si son téléphone est compatible ou pas, mais il ne faut pas se fier aux spécifications puisque c'est toujours le minimum. Donc moi je vais voir pour changer un peu mon système et essayer de le faire sur autre chose que mon téléphone, voir s'il n'y a pas d'autre. Alors changer de téléphone pourquoi pas, ou avoir un autre support parce que ça marche aussi sur tablette et sur ordinateur. Peut-être il y a des choses que je ferai sur ordinateur, que je transférerai, que je travaillerai sur ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Là aussi hein, il faut avoir un ordinateur qui soit un minimum puissant, c'est marqué aussi dans les specs. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette caméra. J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Moi, j'ai mis un lien dans la description de l'épisode pour le déballage de la vidéo, le déballage de la caméra. Et puis, certainement, à un moment, je ferai des petits tests, un épisode qui sera un retour sur utilisation. de cette caméra. En tout cas, franchement, si vous aimez la photo et la vidéo, ça vous permet de faire vraiment autre chose, mais toujours en restant sur la photo et la vidéo. Et c'est, je trouve, génial. Voilà. Moi, pendant un moment, j'ai stagné, photo, vidéo, etc. Après, il faut aussi avoir des outils qu'il faut, hein, mais mon téléphone, bah, j'ai acheté un téléphone et puis je pensais qu'il faisait un minimum des belles photos et des belles vidéos, et puis en fait, non. Et puis après, voilà, j'ai laissé un peu de côté. Mais là, j'ai vu ça. Alors, ça existe depuis un moment, hein, c'est pas nouveau. Hein. Moi, je le découvre en tout cas vraiment ces derniers temps. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je reviendrai pour un autre épisode sur ça un peu plus tard pour vous donner mes impressions. On verra sur le prochain épisode. Changement de PC, de téléphone, changement de tablette, changement d'environnement, iOS, Android. C'est un truc qui me botte aussi de... Parce que j'ai une petite idée, voilà. Je commence à... Avant, j'étais sur iOS, enfin une partie iOS. Je suis revenu sur Android. Et là, je commence à... Je sais pas, je commence à un peu m'ennuyer, un peu me fâcher avec un Android. Donc, c'est pas dire que j'aime pas, hein, c'est-à-dire que ça correspond plus à mes attentes. Mais en tout cas, je ferai un épisode. Je pense que ça sera le prochain, qui parlera de pourquoi changer d'Android à iOS, pourquoi changer de PC à Mac. Voilà, ça me botte. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la prochaine fois. Bonne continuation à tous. Ciao. Yeah.